et ou pas ça qui tend la sagesse qui guide le temps. Moi c'est des couleurs plus des bonnets pour la vie retrouve un petit chalet. Petit caca des gars, les gars, si yo te savent qui j'en yo te chiant. Moi c'est des couleurs plus des bonnets pour la vie retrouve mon petit chalet. Métis à j'en kéao, métis à j'en noma, pour la vie paraît plus belle. Métis à j'en kéao, métis à j'en noma, pour espérer monter au ciel. Métis à j'en kéao, métis à j'en noma, pour la vie paraît plus belle. Et moi je te dis que j'en ai marre de cette vie. Je voudrais me trouver un petit paradis. Je crois que tout cela c'est une vraie pagaille. Bon je fais mes valises, salut faut que je m'en aille. Et tout ce qui m'arrive m'amène à la folie. Ça devient nécessaire que je me casse d'ici. Trouver une solution pour qu'enfin je me taille. Car tous les gens d'ici sont vraiment pas de taille. I know I'm really tired of that life. I like to find a little bit of paradise. I know it's a little bit out of style. I got my bag and please get out of my life. All that happens to me gets me crazy. It's not necessary to get out of here. Get a solution, it's got me high. Everybody here is not up that high. Trying